couette. Elle me fait le bisou sous la couette. On a galéré donc on se voit dans les îles. Ils voulaient m'avoir coulé partir dans un asile. J'y vais ta daronne pleurer 6 heures du mat les bras levés. T'avais le mâché sur toi ses fils de pute ils t'ont levé. J't'envoie du patasix de confumé et gamberger. Derrière les tibarons tu regardes l'étoile du berger. Ta copine elle est tassée. Ce soir je vais la taser. Elle veut du gambino et elle n'aura jamais assez. C'est là pour mes désirs et mes doutes et ma loco. J'veux te faire avec mes deux mains aller retour à Ouigo. L'hiver en caisse et mon état c'est dans le tungo. Y'aura beaucoup de bandes d'armes et des quêtes en l'unico. Oh mon poteau tout va bien. J'ai pas me montrer, je m'en bats avec moi de ta vie. On pourrait t'enlever la vie.